bouton près du radiateur sur FPP 106.3. Non. Truc de dingue. Truc de malade. Psychopathe. Truc de fée. Truc de strong. Bouton près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. On ira jusqu'au bout. La force du travailleur. Voilà. Hey. Non pas Saran. Grève générale. Et rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminés dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Yo, au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! You want me to hide all my feelings? Bonsoir à tous, vous êtes au fond près du radiateur. Il est 19h, tous les mardis soirs, de 19h à 20h30, avec Mouloud ce soir, Fatima. Est-ce que vous avez un petit mot pour commencer cette émission et faire l'introduction ? Ben oui, bonjour, bonsoir. On est comme d'habitude sur Fréquence Paris Pluriel en 106.3 FM. Voilà, on est content d'être là encore et on espère qu'on va essayer de pouvoir continuer à résister à tout ce qui se passe. Et voilà, Fatima, ce qui est... nouvelle parmi nous, ça fait quelques semaines. Exactement, ouais. Voilà, et ça fait combien de temps ? Je sais plus, ça fait peut-être 3 semaines, 2 semaines. D'accord. Et en tout cas, voilà, on va passer une émission 1h30 normalement avec vous. Et puis on salue Moustapha, Raphaël, et puis tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui n'ont pas pu venir. Voilà. Et on a prévu, concocté plein de petites choses. On fera un petit point sur ce qui se passe au niveau de l'actualité, parce que paraît-il qu'on a un soi-disant nouveau président. Ça, ce sera une petite introduction. Deuxième point, on va faire ton sujet. Fatima, tu peux présenter, dire un mot, si tu as enregistré un sujet. Ouais, exactement, ouais. On a réalisé du coup un reportage radiophonique donc, à Saint-Denis au rassemblement dimanche. Le jour des élections présidentielles, des résultats des élections présidentielles. Et il y avait plusieurs collectifs présents qui étaient là pour partager, se soutenir, essayer de s'organiser. Voilà. D'accord. Et après, on fera une petite pause musicale entre eux, comme d'habitude. Et puis surtout, on va après parler du reportage de Raphaël et l'aide que Nadia a apportée, c'est sur les prisonniers politiques palestiniens qui font une grève de la faim. Voilà, donc c'est tout un reportage autour de ça. Et on finira sur la Tchétchénie et ce qui se passe par rapport aux minorités sexuelles, notamment les homosexuels, qui sont, au fin de compte, déportés, tabassés, assassinés aujourd'hui. Il y a une chasse à l'homme qui est organisée par le gouvernement. C'était bien de rappeler. Voilà, et on fera un peu les infos, peu de ce qui va avoir lieu ou pas dans les prochaines semaines. Voilà. Je crois qu'on va pouvoir peut-être passer un petit moment de musique pour commencer. Et puis après, on revient. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à venir nous écouter. Voilà. Ça vient du 9-3. 1, 2, 3, voilà le style du 9-3. Si tu l'as raté, j'ai gardé une cartouche pour toi. Me demande pas pourquoi, je kick ça comme un Dixa. Avec le temps qui passe, des 16 bars, il me reste plus que ça. 4, 5, 6, moi c'est Busta et Fire X. Écarte tous tes orifices et le flow, peu d'artifice. J'ai l'attitude la plus pisse du game, c'est comme ça. Y'a des durs, des putes et des lobes, ça. 7, 8, 9, donne-moi une garo et une yeuf. Et on pourra voyager sans décoller nos seufs. Pas d'oseille, pas de meuf, ça tu devrais le savoir. Tu marches avec un bavoir, Renoir, arrête ton bluff. Okay. 10, 11, 12, c'est sexe, violence, rap et blues. Dédicace au quartier, la reinerie à Toulouse. Et à tous les toxicos qui ont fumé sur mon 12. Hip hop forever 9, respect de la banlieue blues. J'ai marqué mon territoire, puis 99 sorti. Je rappe avec mon cœur et. Freestyle était mon slogan. Funky flex, baba. Aïe, MC, ne viens pas me test. Kick avec. Kick avec ses. Que poste un flex, fais son putain de job à plein temps. Yo, BUSTAFLX pour le gouffre, marche arrière. Tu connais la vibe. Philippe Pipi. Ça. Ok. Du bisalté. Mytho, escrocs et autres savent se tenir. On a tous une langue, paix à ceux qui savent la tenir. Percer, briller, à quoi ça sert, frollo? Non, laisse tomber, j'ai des trucs à faire, frollo. Mytho, escrocs et autres savent se tenir. On a tous une langue, paix à ceux qui savent la tenir. Percer, briller, à quoi ça sert, frollo? Non, laisse tomber, j'ai des trucs à faire, frollo. Personne ne peut me cerner, à part mes proches. J'suis un doux, dur, dingue, sale, mais propre. Je te sers une tranche de vie coupée sur le bloc. J'suis au QG, loin de tous ces trucs de fiole. Ton rap sans la vaseline, plus la merde. J'en déduis qu'ils ont dû te la mettre pendant le casting. Quand j'arrive, je sens la frousse, leur nouer les tripes. Après le show, retour dans la brousse pour retrouver l'équipe. Quoi qu'il arrive, j'ai pas choisi la hurle. Rime sale, comme Paris la nuit, c'est ma signature. Alors bouge ta tête et bouge-toi pour ta paye. Tu cours après le fric, le fric te court après. J'ai fait le tour du cercle vicieux plus de mille fois. Entendu le chétan parler de vive voix. Sale temps pour un scar là quand tu pleut des balles. Ici on se mouille, faut me kill si tu veux mes balles. Mytho, escrocs et autres savent tenir. On a tous une langue, paix à ceux qui savent la tenir. Percer, briller, à quoi ça sert, frollo? Non, laisse tomber, j'ai des trucs à faire, frollo. Mytho, escrocs et autres savent tenir. On a tous une langue, paix à ceux qui savent la tenir. Percer, briller, à quoi ça sert, frollo? Non, laisse tomber, j'ai des trucs à faire, frollo. Marche arrière, c'est pour le gouffre. Bonjour, bonsoir, vous êtes toujours dans l'émission Au fond près du radiateur sur 106.3 sur la radio Fréquence Paris Pluriel. Et donc on est diffusé aujourd'hui, on est mardi de 19h à 20h30, rediffusé le vendredi de 8h ou de 7h à 8h30, voilà, pour ceux qui eh bien, se lèvent, vous écouterez la voix de Fatima, de Mouloud et de notre cher technicien Roby, voilà. Et le premier point qu'on va aborder quelques minutes, c'est effectivement là, ce qui s'est passé depuis quelques semaines et surtout saluer tous ceux qui déjà ont commencé à manifester Place de la République pour dire qu'effectivement, rien n'est gagné et surtout on est là pour lutter puisque les promesses sont terribles. Et le projet de loi et tous les projets de loi qu'il veut nous faire, c'est horrible. Et puis on salue aussi à Ménilmontant tous ceux qui ont été a priori arrêtés pendant quelques heures, visiblement, puisque le gouvernement François Hollande avait déjà prévu qu'il fallait du calme et qu'il se passe rien. Et au coup de contestation, ça dit le niveau qui est déjà annoncé, c'est qu'on fera par ordonnance et on enverra les flics au maximum. Donc ça donne le cadre un peu de ce qui se passe déjà. C'est c'est la police qui occupe la rue et qui veut faire taire déjà les quelques contestations. Voilà. Qu'est-ce que toi tu en penses un petit peu? Alors moi, je suis dégoûtée, je suis vraiment dégoûtée. C'est, moi, je me dis qu'il y a encore cinq années de lutte où il va falloir s'accrocher, tenir bon. On va devoir encaisser un tas de réformes absolument dégueulasses. On espère qu'on va réussir à s'organiser, à réellement comprendre que les choses, elles se passent effectivement dans la rue et sur un autre terrain que celui de la politique qu'on connaît officielle aujourd'hui, celui de cette démocratie bourgeoise, voilà, qui ne fait profiter toujours que les mêmes personnes, voilà. Donc Est-ce que Romain Sault, tu voulais réagir? Oui, tu parlais de Ménilmontant, c'était quand dimanche soir. J'y étais et c'était vraiment la nasse généralisée sur, 3 km². Et ils ont compressé voilà, les manifestants jusqu'à la place justement du Saint-Sauveur. Ils ont réussi à en bloquer environ la moitié. Et un nombre vraiment très important de après une autre partie voilà des manifestants et aller dans les rues de Paris et qu'il y en avait ça grouillait de partout, il y avait même des camions de CRS qui allaient faire des destinations où apparemment il y avait rien de prévu, mais enfin bref, il y avait des milliers de voilà de CRS. Le plan était bien préparé. Le constat c'est qu'est-ce que tu veux dire de plus? Alors, ce qui est intéressant aussi par rapport à ce personnage qui est le nouveau président. Alors, j'ai entendu le mot escroc d'un des rappeurs. Je crois qu'il y a un autre mot, c'est macro ou un truc comme ça. Ouais. Macro. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que Mitterrand avait fait l'opération SOS Racisme qui avait pour sens avec Harlem Désir au début des années 80 pour faire taire et écraser les banlieues et faire taire les paroles plurielles, notamment des jeunes et de la contestation qui avait lieu au début des années 80. C'est vrai que François Hollande a réussi à faire l'opération Macron en marche. C'est le même principe et on l'a pu le voir effectivement. Les projets sont très clairs, c'est d'écraser le code du travail, de casser les chômeurs, de cibler les minorités, de continuer d'offrir des cadeaux à Pierre Berger et Xavier Niels et autres, ça on le sait, avec quelque chose d'extrêmement violent, rapide, du Fillon light. Et c'est vrai qu'on nous a un peu fait un peu tout ça. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Bravo l'artiste, on pourrait dire à François Hollande. Et on continue dans cette logique-là. Maintenant, il faut noter qu'il y a plein de gens qui n'ont pas voté. Qu'effectivement, il y a aussi un autre projet pour l'instant qui est Marine Le Pen. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de Madame Le Pen pour expulser, pour tabasser, pour faire des manifestations extrêmement violentes, comme on l'a vu lors du mariage contre les homosexuels. On a vu ce pays occupé dans la rue par les nazis. La rue de Paris était très occupée. Et je trouve que c'est très intéressant dans ce cadre de crise. Ce sont les minorités qui sont les premières cibles de ça. Et c'est un peu ça que ça raconte aussi notre émission. Qui est ciblé aujourd'hui et pourquoi? Et je pense que c'est aussi une manière de casser les solidarités et de pointer du doigt des populations qui ne seraient pas assez françaises, qui ne seraient pas assez intégrées, etc. Et je trouve que c'est un contexte extrêmement lourd de sens puisque ça va très vite. Je trouve que le temps nous est compté, on a l'impression, ça va très très vite. Et l'un des défis, c'est de pouvoir penser et de faire du collectif. Agir en urgence contre des lois sans pouvoir dire quel est le sens de tout ça. Et je trouve que ça, c'est difficile. Je ne sais pas si ce que toi, tu en penses. Non, moi, simplement, je trouve qu'il a été hyper doué durant cette campagne Macron, quand même, parce qu'il n'a pas doué dans le sens intelligent futé, mais en tout cas, il a été bien conseillé, il a une façon de parler, il a réussi à faire croire à un bon nombre de personnes que tout ce qu'il allait faire, en fait, c'était de la nouveauté, que du coup, il n'y avait plus de gauche, plus de droite, que maintenant, tout le monde allait être en marche, en fait. Mais c'est-à-dire qu'il a réussi, en fait, à vider tout son projet d'un sens, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'il raconte, ça n'a pas de sens, en fait. C'est un mec, en fait, il est capable de dire genre un truc et son contraire en l'espace de 5 minutes. Enfin, il parle aux jeunes, il est dans un truc vachement d'image, c'est très, très marketing, en fait. Et ça, c'est très inquiétant. moi, je trouve pour les années à venir. D'utiliser le mot marketing, c'est très intéressant parce qu'en fin de compte, c'est le président Facebook. Ouais, c'est ça. C'est Facebook. On parle de sa femme là, qui a 40 ans de plus que lui. Tout le monde s'intéresse qu'à ça. Enfin, c'est pas très sérieux en fait. Il y a plus rien de sérieux. En fin de compte, c'est le candidat aussi de la nouvelle économie où on écrase tout, où il n'y a plus d'histoire, plus de solidarité. On est chez soi, tout seul, en face d'un ordinateur, et le monde, vous claquez et vous faites des bénéfices. Mmh. Et par exemple, des personnages comme Xavier Niels, en l'espace de moins de 10 ans, il a autant de fortune que Bernard Arnault. Ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas nouveau, quoi. C'est la rapidité du capital et un nouveau capitalisme. Et surtout, c'est aussi la cible de tous les autres qui seraient des losers, des perdants. Mmh. Nous, un peu, notre travail, c'est aussi de valoriser, au contraire, tous ceux et toutes celles qui subissent ça. Et c'est un peu ça qu'on va essayer de raconter. Alors, on va faire une petite pause de secondes et on va parler de Saint-Denis. Ouais, voilà. De Saint-Denis, voilà. Tous les soirs, je suis cuit, l'impression d'avoir tout terra. À mon tour, tu verras, tu te la boucleras. Mes déboires, j'écris, rien à foutre, ça te plaira. C'est ça qui est rare, j'attends pas du rap que ça me plaira. Monde de fils de pute, les gens t'enculent. Après, souris, la vengeance est un plat qui se mange pourri. Attends, j'ai pas tout dit, je viens juste de commencer. Toi, tu me coupes en me disant, ouais, je t'en blase déjà, commencé. Je me prends la tête à gagner mes housses. Entre bonnes et mauvaises news, dis-moi, on frère à quand le bled. Les heures s'arrêtent, les jours défilent. Les mythos racontent les mêmes films de marcher seul, ouais, toujours ça m'aide. Ça y est, je suis dead, j'ai fini, mes OCB slim, la niax nous baisse. Des symptômes, j'envoie les premiers signes. Paranoïaque, pour les putes, j'ai un cas, ouais. Toujours un star, ouais, dans ma chaussette ou mon anorak. Des conditions crades, dans ton joint, mais plus qu'une noisette. Vitesse de croisière, moi du coup, je suis le troisième. Un cœur de pierre, quand je pleure, ça fait des flaques dures. Palais d'hier, crapule, tu me la feras pas à l'envers. Fume de la frappure, dans ma tête, c'est la fracture. Chaque jour, j'alimente mon infarctus. Un mal frappe plus sur les ongles. De la bœuf sous les ongles, sur mon chemin, le diable et ses ombres. Ok, on est toujours sur Au fond près du radiateur, 106.3. Et là, on va lancer le reportage dont je vous parlais au début de l'émission. Parce qu'à Saint-Denis, les gens se préparent déjà pour ces 5 années à venir. Voilà. Place de la Basilique à Saint-Denis, le 7 mai, jour de l'annonce des résultats des élections présidentielles. Plusieurs collectifs ont appelé à un rassemblement anticapitaliste, décolonial et féministe. Pour échanger, partager les points de vue et les différentes expériences de lutte, se coordonner en vue des mobilisations à venir, quel que soit l'heureux vainqueur de ce cirque électoral. L'appel a été signé par Alerta Feminista, CGT Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration, Femmes en Lutte 93, le FRAP, Front Antipatriarcal, FUIQP 93, Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires, le groupe LOX, Lesbian of Color, Moissy, collectif afroféministe, NMXR, groupe non mixte racisé de Paris 8, Solidarité Femmes Kobané, STRAS, syndicat du travail sexuel. De nous mitonner, t'as peur des assistés. J'ai peur pour tes congés et du vol organisé. Assez, assez. De nous mitonner, t'as peur du mariage gay. Moi j'ai peur de me marier, straight et de m'ennuyer. Assez, assez. De nous mitonner, t'as peur des réfugiés. J'ai peur des flics armés, des banlieues à Calais, du crime organisé. Assez, assez. De nous mitonner, t'as peur des femmes voilées. Moi j'aime mes libertés et de faire ce qu'il me plaît. Assez, assez. De nous mitonner, les colonistes, c'est pas d'hier. Demande aux outre-mer et aux victimes de nos guerres. Assez, assez. De nous mitonner. Donc bonjour, vous appartenez à quel collectif ? Au Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires dans 93. Vous aussi ? Oui, donc oui, on s'est formé à peu près il y a un an de ça. On a décidé de centrer nos actions dans la ville de Saint-Denis parce que soit c'est le lieu où on habite, soit c'est le lieu où on travaille, soit c'est le lieu où on milite, voilà. Donc oui, on est à Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre organisation, vos revendications, ce que vous faites ici pour ce rassemblement ? Donc nous on est le FUTP 93, le Front Uni des Immigrations des Quartiers Populaires. Donc ça existe depuis plusieurs années maintenant. Dans le 93, nous en fait on essaie de se rassembler sur les questions de précarité, de logement, sur les questions de racisme, de violence policière. Et voilà, donc pour nous ça nous semble évident d'être ici aujourd'hui dans un rassemblement décolonial, antiraciste et féministe, parce que ça fait partie de nos fondements, voilà, d'articuler ces questions de classe, de genre, de race, voilà, pour pouvoir faire ressortir la voix des premiers concernés par les violences institutionnelles et voilà. Est-ce qu'il y a un agenda, des événements à venir, des dates ? Alors la prochaine action, bon, on en a fait des actions depuis notre création. Alors il y a des actions ponctuelles et des actions régulières. Donc une des actions régulières qu'on fait, c'est tenir des tables tout simplement. Ça peut paraître un peu anodin vu comme ça, mais c'est quand même important d'aller dans le marché, surtout que le marché de Saint-Denis, c'est vraiment le cœur de la ville où ça brasse toute la population du 93. Donc ça nous permet vraiment de parler aux gens, de traiter des questions du quotidien, des élections par exemple, de la police, de plein de sujets de société, et de voir ce que, tout simplement, les avis des gens, de discuter avec eux. On fait des petits déjeuners solidaires tous les dimanches. C'est où ? C'est juste à la place du marché, devant le KFC, tous les dimanches matin. Non, pas tous les dimanches matin. Un dimanche par mois sur un thème particulier. Donc le dernier thème qu'on a fait, c'était sur les violences policières qui touchent les jeunes des quartiers populaires. Le mois d'avant, c'était sur l'éducation nationale, sur les discriminations subies par les enfants immigrés, les enfants des classes pauvres dans l'éducation nationale, la menace que représentent les nouvelles politiques sur l'éducation nationale, surtout sur les zones d'éducation prioritaire. Les violences qu'ont subies les lycéens de Sugère et de Bartholdi suite à des interpellations. Donc voilà, donc tout ça c'est des sujets qui touchent en fait la société dionysoise. Et voilà, donc après il y a des actions ponctuelles, on va dire. Là la prochaine ça va être, on va organiser une journée d'autodéfense en non-mixité, que avec des femmes, des femmes voilées, des femmes pas voilées, des femmes qui sont réunies par le fait de partager un poids, c'est le fait d'être harcelée quotidiennement dans l'espace public. Voilà, donc du coup là ce sera une journée en fait pour se donner confiance, pour mettre l'autodéfense comme une pratique de vie. Quand je dis autodéfense, c'est autodéfense verbale, c'est-à-dire comment réagir quand quelqu'un nous harcèle verbalement, comment réagir d'une manière la plus efficace possible. Et puis après, un deuxième volet sur l'autodéfense physique, c'est-à-dire basé sur des techniques soit de kung-fu, de karaté, avec une professionnelle qui vient de Lille, qui fait partie de FUICUP Lille. Et voilà, donc du coup ça sera au café Le Pavillon, donc voilà, dans la salle d'en haut, ça sera le 24. Et voilà, donc du coup ça c'est une action ponctuelle bientôt qu'on va organiser. Donc bonjour à toutes et à tous, donc nous c'est Femmes en Lutte 93, donc on est une association féministe du 93 et ça fait 5 ans qu'on lutte sur Saint-Ouen, Saint-Denis, Pantin, donc on est des féministes de lutte de classe. On lutte avec des femmes des quartiers, des femmes immigrées, des femmes précaires, des femmes sans papiers, et on travaille notamment beaucoup avec le groupe Femmes de la coordination des sans-papiers du 93 et qu'on salue aussi aujourd'hui. Donc on sait que là il va falloir faire face à deux ennemis, c'est-à-dire le fascisme et le néolibéralisme, qui sont deux ennemis qui en fait marchent main dans la main, qui vont menacer nos vies, notre quotidien et accroître les galères de thunes. Le racisme, le sexisme, la précarité, c'est des galères que les femmes avec qui on lutte connaissent déjà. C'est une situation qu'elles connaissent, une situation que malheureusement le gouvernement PS a déjà largement contribué à aggraver. Donc si on fait le bilan quand même de ce gouvernement, c'est quand même la loi travail, c'est quand même une politique de non-accueil des réfugiés, des reculs constants sur les droits des personnes LGBT, c'est quand même aussi du recul sur la protection des femmes face au harcèlement sexuel, des prises de position islamophobes et une institutionnalisation de l'islamophobie, un accroissement des violences policières. Donc ce soir, quel que soit le résultat, on se prépare à quelque chose d'encore pire. On sait que ce deuxième tour, quelle qu'en soit l'issue, va donner malheureusement beaucoup de confiance aux forces racistes, aux forces réactionnaires de ce pays, mais aussi aux patrons et aux capitalistes. On a peur, mais on est prête, on est déterre, parce qu'on lutte déjà et qu'on va continuer et qu'on ne lâchera rien. Solidaires dans la lutte, en tissant des liens politiques de solidarité militante, ensemble, rien ne nous résistera. Cette solidarité, on sait aussi qu'elle doit être internationale contre le colonialisme, contre l'impérialisme. Et d'ailleurs, on vous invite pour un prochain rendez-vous, le 12, vendredi prochain, à l'écran, à partir de 19h, il y aura une soirée de résistance palestinienne avec la projection d'un film qui s'appelle Derrière les fronts, un film d'Alexandre Dolph. On vous invite, il y aura aussi Solidarité sur le Soudanais. Et il y aura aussi un atelier d'écriture de solidarité à des femmes prisonnières politiques. On sait qu'on ne doit pas tenir de solidarité internationale et s'inspirer de cette résistance internationale, notamment du peuple palestinien. Donc rendez-vous vendredi prochain. Alors, ça, c'est un message de Gülten Toshanak. Gülten Toshanak, c'est une figure historique de la lutte du peuple kurde et du mouvement des femmes. Elle était co-maire de la ville de Diyarbakır, qui est la plus grande ville du Kurdistan, et elle a été arrêtée à ce titre. Donc, sa lettre de prison, qui date du 26 octobre 2016, elle nous dit « Je vous embrasse tous, une à une, et j'envoie mes amours et mes salutations. Je vous envoie un arc-en-ciel. Quand nous sommes ensemble, côte à côte, avec toute notre diversité, c'est si agréable comme l'arc-en-ciel. S'il y a de la lumière, il y a des couleurs. L'obscurité tue les couleurs. C'est une loi de la nature. Maintenant, les ténèbres veulent nous mettre en soumission et éliminer toutes les couleurs. Nous ne nous abandonnerons pas aux ténèbres. Nous allons construire un avenir coloré et brillant à travers la solidarité des femmes et avec la vision des femmes. » Et donc voilà, ça c'est le message qui est vraiment important pour nous de transmettre et qui doit être une perspective aujourd'hui, au-delà de ce qui se passe aujourd'hui, au-delà de ce qui va se passer demain. C'est des perspectives pour construire l'avenir toutes ensemble. Merci beaucoup. Bonjour, donc nous on est le collectif FRAT, pour le lutte antipatriarcale. Nous en fait on fait partie de... d'une confédération qui s'appelle la CGA, une confédération des groupes anarchistes, et qui fonctionne en front de lutte autonome. Et du coup, nous, on fait partie du front de lutte antisexiste. Et on s'organise en non-mixité. On s'organise en non-mixité parce que notre volonté, c'est de recréer une solidarité entre femmes et entre personnes concernées par le patriarcat et par la lutte contre le patriarcat. Mais nos luttes... mais du coup, nos luttes ne s'arrêtent pas juste à la lutte antipatriarcale, mais aussi à la lutte contre le capitalisme, contre l'État colonial et contre l'État tout court. Pour ça, on organise des stages d'autodéfense entre femmes en non-mixité pour apprendre à riposter contre ces violences quotidiennes et pour retrouver une solidarité entre femmes et entre personnes. Bonjour, donc du coup, tu fais partie de quel collectif ? Alors, je fais partie du collectif non mixte racisé de l'Université de Paris 8 à Saint-Denis. Est-ce que tu peux me parler un peu de votre groupe, vos revendications, ce que vous faites, comment le groupe s'est formé, à quel moment ? Alors, le groupe s'est formé lors de la mobilisation contre la loi travail au printemps 2016. Il s'est formé d'un premier constat. Le premier constat, c'était principalement que les personnes les plus touchées par la loi travail étaient les personnes racisées. Et que finalement, lors des AG dans la fac, les personnes racisées en fait, n'étaient absolument pas présentes et leur voix n'était absolument pas entendue ou en tout cas silencieuse. D'accord. Et est-ce que vous êtes en lien avec d'autres organisations, d'autres collectifs Alors on est plus ou moins en lien, c'est-à-dire qu'on reçoit du soutien et on apporte du soutien ponctuel. Après c'est vrai qu'on est quand même une orga assez spécifique parce que notre terrain il est quand même à la fac. Nous on organise principalement des séries d'ateliers dans l'université, même si on essaye de plus en plus de sortir de cet espace-là. Mais on a un terrain qui est vraiment spécifique, contrairement à d'autres. Enfin je pense que toutes les assos ont des terrains spécifiques. Donc on apporte un petit peu du soutien à l'extérieur et on reçoit aussi un petit peu du soutien, mais on n'est pas en fusion totale entre guillemets. D'accord. Est-ce qu'il y a des dates, des choses prévues là pour les prochaines semaines à venir? Alors nous on a organisé nos derniers événements, c'était donc sur les violences policières bien sûr parce qu'il y a une actualité politique absolument urgente, enfin de plus en plus urgente du moins. On a organisé aussi autour du 8 mars le festival féministe anticolonial. Là, on va organiser une queer food justement pour amasser un max de thunes pour aussi payer ce qu'on doit à droite et à gauche parce que forcément on est autofinancé. C'est-à-dire une queer food ? Une queer food, c'est. Comment expliquer ça ? C'est un repas, en gros, qui est organisé par des personnes queer, par des assos queer. Et tout l'argent en fait qui est récupéré à ce moment-là va vers une association particulière et donc là ça permet aussi de créer du lien associatif, que ce soit avec des personnes racisées ou non, avec des assos racisés ou non, et donc ça permet aussi de créer du lien militant et de mettre en avant aussi nous, notre groupe et ce qu'on défend. On va avoir ça d'organiser et au mois de mai-juin on va aussi avoir le mois de l'histoire noire qui aura lieu à Saint-Denis. Pour le lieu on n'a pas encore vraiment trop de lieu parce qu'on essaye de sortir de la fac et donc voilà, on est aussi là pour essayer de relationner, de voir qui peut nous aider, comment nous on peut aider aussi les autres. Me dis pas enchanté, inutile de le nier. On ne s'est peut-être jamais vu avant, mais on est liés. Oui, on est liés, je me rappelle de toi. On ne s'est jamais vu, mais on s'est déjà croisé quelque part. On ne s'est jamais vu, mais on est liés. Si tu ne me crois pas proche et fixe bien le fond de mes yeux, tu verras une part de toi y briller. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais on est liés. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais je le sais, voilà. C'est parce qu'au fond de tes yeux, je vois briller la même flamme. Je ne sais pas si mon idée te paraît très valable, mais entre nous, y'a comme ce lien entre le vieil âme. C'est comme si la même étoile nous avait toujours guidés. On ne s'est jamais vu, mais on ne s'est jamais non plus quitté. On s'est croisés sans que nos corps n'y soient. Ensemble, on a vécu, on est mort mille fois. Mille fois on a chuté, mille fois on s'est relevé. On s'est vu mutuellement renaître de nos cendres. Est-ce que tu te rappelles que lorsque l'un des deux devait tomber, l'autre exécutait en premier lieu un saut de l'ange? Je ne veux pas entendre ce que les autres disent. Je reste dans ma bulle et je fais le vide exprès. Moi je dis qu'on s'est rencontrés dans une autre vie, et j'ai envie d'y croire juste parce que l'idée me plaît. Enchanté mais inutile de le nier. On ne s'est peut-être jamais vu avant, mais on est liés. Oui on est liés, je me rappelle de toi. On ne s'est jamais vu mais on s'est déjà croisé quelque part. On ne s'est jamais vu mais on est liés. Si tu ne me crois pas proche et fixe bien le fond de mes yeux, tu verras une part de toi y briller. Je peux pas t'expliquer pourquoi mais on est liés. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais je le sais, c'est doux. Je le vois, c'est comme ça, c'est pas la peine de parler. Je vois très bien que dans tes yeux, y'a comme un air chez nous. Ne t'inquiète pas, je te promets qu'on y sera bientôt ramené. Ne me fais surtout pas la fronde, me redire en santé. Mais pourquoi les choses devraient toujours être sensées? Moi je te le dis que tu fais partie des personnes que je n'ai peut-être jamais vues, mais qui m'ont quand même toujours manqué. Donc toi c'est Laura. Oui. Alors Laura, dis-moi, pour qui as-tu voté ? Je n'ai pas voté. Parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Je n'ai pas voté au premier tour, je n'ai pas voté au second tour. Je trouve le moyen de faire de la politique autrement, de m'engager dans des luttes, dans des collectifs, dans des assos. Mais je ne me sens absolument pas représentée par les hommes politiques d'aujourd'hui. Donc j'ai une certaine cassure et voilà. Donc je n'ai pas voté. Et du coup, toi, donc, tu es au FU. UP. Oui. Et quelle est ta position par rapport au vote Macron-Le Pen? Eh ben, en fait, moi, je suis cette affaire-là de loin, on va dire. Ouais. Parce que je suis un peu écœurée de voir tout ça. Enfin, ça fait des années que je suis écœurée avant même qu'il y ait l'histoire de Macron et de Le Pen. Donc voilà. Moi, mon point de vue par rapport à ça, c'est que si je devais donner mon avis, moi j'appelle à ce qu'on s'organise dans la rue. Pour moi, les transformations, les changements, tout ça, ça se gagne pas dans l'union, ça se gagne dans la rue, quoi, sur le terrain, avec les concernés, ceux et celles qui subissent ces oppressions, qui sont à même de s'organiser et de pouvoir décider pour eux-mêmes, en fait. Moi, je reprends la phrase de Mandela, là, que je kiffe bien, ce qui est fait pour nous, sans nous, est contre nous. Donc voilà, tout système électoraliste, le système tel qu'il est mis en place, c'est pas fait pour nous, parce que ceux qui nous représentent, c'est pas des gens qui ont vécu ces oppressions ou qui sont touchés dans leur chair, qui sont... Voilà, donc je peux pas donner ma parole à quelqu'un d'autre qui me représente pas. Alors c'est vrai qu'on va de pire en pire, mais pour moi, je reste observatrice, mais ça, dans le sens où c'est pas juste j'observe et puis je ne fais rien. Pour moi, la politique, c'est pas ça. La politique, ça se gagne dans la rue, en créant des solidarités avec les gens, en nous faisant nous rencontrer entre dominés. Et moi, toute mon attention, elle est dirigée vers ça et pas vers... Alors je sais pas, je... Voilà. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire. En tout cas, t'es prêt à te battre, quoi. On est déjà... Ouais. On est déjà dans le terre-terre, on se bat déjà, on continue. Après, s'il y a des choses, là, que ce soit Macron ou Le Pen qui va se passer, pour moi, je veux dire, là, ce qui a mené, c'est contre le système, en fait. Là, c'est Le Pen, c'est vrai, ça va juste accentuer, en fait. Ça va, si Le Pen passe, ça va accentuer les discriminations, ça va... Enfin, voilà, déjà, la police a le droit de tuer, là, ça va être encore plus, ça va être assumé. Avec Macron, on tend vers ça parce que le libéralisme, la finance, elle ouvre un champ à l'extrême droite. Donc voilà, mon avis là-dessus, je n'irai pas voter, j'ai pas voté, mais par contre, pour moi, ce qu'on fait là ici aujourd'hui dans le rassemblement, voilà, c'est une des façons aussi de contrecarrer toute cette montée du fascisme qui est en train de se dérouler actuellement. Ah mais moi je vote, c'est un autre point de vue. Hein? C'est pas le même point de vue? Je dis moi je vote, c'est un autre point de vue. Pourquoi tu votes toi? Parce que je peux référer à ce que a dit Yem, pas bien, enfin, sûr, suite. Bien sûr, bien sûr. Bon. Toi tu appartiens aussi au même collectif? Oui, exactement. D'accord. Tu peux collectif. Me rappeler le FUQP. Le FUQP. Ok. Voilà. Ok. Non, alors, donc je comprends la position de Yem. Moi, je choisis de voter. Pourquoi? Parce que je pense que les luttes qui sont à mener, on les mènera à lutter. Mais que le cadre dans lequel on mènera ces luttes, pour moi, c'est différent que ce soit un cadre avec un Macron qui, certes, ouvre des perspectives libérales, où ça va être très très compliqué pour les quartiers populaires, pour les personnes qui, les sans-grades, si je puis me permettre, ou les précaires, ça va être quelque chose de très très compliqué. Mais il y a une lutte qui sera possible. Nos organisations auront le droit d'exister. Alors que dans un cadre avec Marine Le Pen au pouvoir, je pense que ce n'est plus du combat, ce serait rentrer en clandestinité pour pouvoir mener ces luttes-là. Alors après, je discute avec des personnes qui ont cette volonté, effectivement, d'entrer en clandestinité, d'être vraiment dans une guerre, qui cherchent à faire élire Marine Le Pen, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de souhaitable. Donc moi, c'est juste par rapport au cadre qui serait donné, dans lequel on pourrait agir et faire nos actions. C'est pour ça que je vote et que j'ai voté pour que Madame Le Pen. Je pas dire, hein. Voilà. Non, je ne dis pas pour qui, on devinera. Au moins pour que Marine Le Pen fasse le score le plus bas possible. Parce que je pense qu'elle est un petit peu excitée là. Voilà. Oui. Toi tu viens de Saint-Denis? Non, je ne viens pas de Saint-Denis. Je travaille dans les alentours de Saint-Denis. Mais je ne viens pas de Saint-Denis même. D'accord. Je peux te demander où? D'où tu... Ah, j'ai un parcours un peu spécial, mais okay. Pas de Saint-Denis même. Ok. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter? Ah ben, qu'est-ce que tu as sur le cœur? Sur le cœur? Sur le cœur. Mais beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais je resterai sur le point de l'égalité, et de, hein, puisque c'est la devise un peu de la France, liberté, égalité, fraternité. Et que j'ai l'impression, et pas qu'une impression, malheureusement, on le vit, qu'une partie de la population, de par sa couleur, son origine ou sa religion, et on va citer la religion musulmane, puisque c'est elle qui est constamment mise en avant, n'a pas le droit au même traitement, n'a pas le droit à l'égalité, n'a pas le droit à la sécurité de l'État à travers la police, voilà, qui mène des expéditions punitives, qui assassinent librement, sans être jugé derrière. Voilà, moi, c'est dernièrement, on a vu François Hollande remettre naturaliser enfin des tirailleurs sénégalais qui sont arrivés à l'âge de la retraite, qui se sont battus pour la France et ont mené les guerres. Alors cette reconnaissance est très bien, elle aurait dû intervenir un petit peu plus tôt, et ça me montre malheureusement qu'une partie de la population n'est pas reconnue dans ce qu'elle peut faire de bien aussi pour la France, et qu'elle est constamment pointée du doigt. Voilà. Est-ce que je peux vous poser une question à vous deux, vu que vous faites partie du même collectif? Comment vous êtes arrivés en fait au Front uni de l'immigration et des quartiers populaires? À quel moment? Comment ça s'est passé? Pour moi, ça s'est passé parce que je me suis rendue à un événement qui a été organisé par l'UFIQP à Saint-Denis, à Jolimôme, pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui est président d'honneur du FIQP. Et donc, je les avais déjà vus une fois, la première fois, c'était à la première marche de la dignité en 2015, qu'il y a eu. Et donc voilà, quand je les ai rencontrés pour Georges Ibrahim Abdallah, je me suis rapprochée d'eux, et ça m'a intéressée, ça me parlait, et voilà. Tu t'es reconnue dans leur engagement, quoi? Oui, tout à fait. Et le fait de militer aux côtés de personnes qui, du coup, eux aussi sont issus de l'immigration, de l'histoire coloniale, enfin ça, c'est quelque chose qui t'encourage en fait à lutter justement parmi les tiens? Bah oui, parce que moi-même je suis issue de l'immigration, parce que moi-même, enfin voilà, je ça parle de moi en fait, ça me parle, enfin voilà, et en politisant petit à petit, je trouve que l'UFIQP vraiment c'est... Pour moi, c'est le seul. Enfin, il y a d'autres collectifs qui existent, mais enfin, c'est vraiment pour moi. Comment dire? C'est-à-dire qu'il est engagé localement. On s'engage localement, et à partir des concernés, ceux qui sont concernés, c'est à eux-mêmes de s'organiser. Et donc ça, je n'ai pas trouvé dans d'autres collectifs. Et donc pour moi, voilà. T'avais milité avant ailleurs dans d'autres collectifs? Oui. Okay. Voilà, et j'étais un peu déçue parfois parce que c'était des collectifs ou... Enfin, des groupes, par exemple, des groupes anarchistes je me suis rendu compte qu'ils étaient islamophobes, en fait, des choses où vraiment j'étais un peu... qui sont paternalistes, enfin, il y a beaucoup de... Je veux dire, même dans la lutte, même chez les militants, il y a des choses à déconstruire, et c'est pas acquis pour tout le monde. Alors, que l'UFIQP, c'est quelque chose... on prend vraiment en compte... la classe, la race et le genre, et donc on essaie à chaque fois d'articuler ces trois oppressions à chaque fois quand on se rencontre entre nous, dans nos prises de parole, dans nos modes d'action, dans tout. Et en fait, la chose qui est très importante aussi, c'est qu'on essaye de travailler sur la mémoire de nos luttes, qui est méconnue, qu'on connaît pas, qui sont nos aînés qui ont mené des luttes, qui les ont gagnées, qui ont bataillé. On ne connaît pas cette histoire-là, et du coup, l'histoire, elle est racontée toujours du point de vue du dominant. Donc c'est du point de vue de l'esclavagiste, du colon. Et donc à chaque fois, on a grandi avec cette idée-là qu'on est des misérables, qu'on ne sait rien faire, qu'on est des sous-hommes et des sous-femmes, alors que c'est pas vrai en fait. On est occupé vraiment à essayer de mettre l'accent sur ça. Qu'on se rappelle dans nos mémoires de lutte, et qu'on puisse faire le lien avec des actions quotidiennes qu'on gagnerait localement pour nous donner de la force, nous encourager, voilà, aller de l'avant et puis inverser le rapport. Au fond, près du radiateur, dans l'émission, dans la radio 106.3 FM, fréquence Paris pluriel, diffusée le mardi de 19h à 20h30. Voilà, et vous pouvez nous réécouter le vendredi de 19h à 20h30, etc., etc., etc. Et surtout, nous avons un Facebook et vous faites fréquence Paris pluriel. Et plutôt au fond près du radiateur, et vous avez effectivement nos émissions, etc. Et voilà. Et donc, nous allons évoquer, via le reportage de Raphaël, via la situation des prisonniers palestiniens. Donc, il y a eu un reportage. C'est important de rappeler que depuis 1967, les arrestations, les attaques sur les Palestiniens est quelque chose d'assez massif. On ne va pas revenir sur un peu l'historique, parce que non seulement je ne suis pas un spécialiste, mais surtout, je crois qu'il faudrait beaucoup de temps. Une idée, c'est que l'emprisonnement de masse est, depuis la création de l'État d'Israël, quelque chose qui est l'une des bases de ces systèmes d'apartheid sur les Palestiniens. Il y a eu différents mouvements, voilà. Et la situation, effectivement, de ces prisonniers est une catastrophe. On ne le dira jamais assez. Et depuis le 17 avril 2017, il y a une grève de la faim qui a été organisée. Rappelons que la loi du 30 juillet 2015 autorise l'alimentation de force. L'Ordre des médecins de l'État hébreu s'est toujours opposé à ceci, considérant que c'est effectivement un acte barbare. Voilà, donc toute une série de leaders ont été isolés et depuis plus de 3 semaines, donc on entend peu ou pas beaucoup parler de cette situation, de ces centaines, milliers de personnes qui font la grève de la faim. Donc on a voulu bien en parler, et je pense que c'est important qu'il y avait un rassemblement, et c'est ça qu'on va vous faire passer. Voilà, à tout de suite sur Fréquence Paris Pluriel. Bonjour, on est place de la République et il y a un rassemblement de soutien par rapport à la grève des prisonniers palestiniens. C'est la 20e journée aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer un peu pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les prisons israéliennes. Moi, je suis très en colère. On leur interdit d'avoir la visite de leur famille. Voilà, on leur appeler, a interdit tous leurs droits. De regarder la télé, de faire. Enfin, voilà quoi. De vivre avocats. En communauté, on va les isoler, les séparer. Voilà, ils ne sont pas soignés. Enfin, bref, il y a pas mal de droits qui sont bafoués. Beaucoup d'ONG, justement, ont alerté par rapport à leur état. Du coup, suite à ça, en fait, pour revendiquer leurs droits, ils ont entamé une grève de la faim. Ce n'est pas la première fois. Sauf que là, en fait, on a plus l'impression que, vu que à chaque fois, ils n'arrivent pas à obtenir, en fait, leur mouvement n'est pas assez audible par rapport à... Voilà, Israël. Hein. Donc nous, on essaye, en fait, on est là pour justement alerter le monde et être solidaire avec eux, en tout cas, de leur combat, justement par rapport à un prisonnier qui est condamné à Marwan Barghouti, donc qui est le leader du mouvement. On en dit juste un traitement équitable, digne. le minimum quoi, de la dignité humaine, avoir à manger, regarder les infos, ne pas être coupé du reste du monde. Voilà, et moi je me sens complètement solidaire de ça. C'est vrai que la prison, c'est un phénomène qui est assez massif dans la société palestinienne, l'emprisonnement. Et on dit que dans chaque famille, il y a un prisonnier. Et souvent, c'est des détentions arbitraires aussi. On peut parler notamment... Oui, il y a beaucoup de mineurs, de jeunes mineurs qui sont en prison aussi. L'âge minimum a été baissé pour les Palestiniens à 12 ans, alors qu'avant, il était de 14 ans comme... Les jeunes israéliens. Donc à partir de 12 ans, on peut se retrouver en prison. Quand on se retrouve en prison, ça peut être juste parce qu'on a participé à une manifestation. La police débarque chez vous la nuit, vient vous chercher. Des pierres, effectivement, oui, on vient vous chercher la nuit à 3h du matin. Là, récemment, il y a eu un cas. La famille ne comprenait pas, on ne leur dit pas ce qui se passe. On vient, on défonce la porte, on rentre, on va chercher le gamin complètement nu, pas réveillé, tout ça, et puis on l'emmène. On ne vous donne pas d'explication, les familles sont effarées, en pleurs. Et ça, c'est le quotidien des Palestiniens, effectivement. Et donc là, il y a 6500 Palestiniens qui sont dans les prisons israéliennes et il y a à peu près 1700 personnes qui participent au mouvement, c'est ça? Je sais qu'il y a de plus en plus de grévistes de la faim qui, notamment là dernièrement, il y a encore 50 personnes qui ont rejoint le mouvement. C'est un mouvement collectif et... Très massif, quoi. Oui. Et pour essayer de justement de casser le mouvement, on isole en fait les gens et on leur dit on les monte les uns contre les autres et on essaye de casser le mouvement par des ruses un peu dégueulasses. Dans la société civile palestinienne, il y a eu beaucoup de soutien aussi. Je ne sais pas si vous pouvez m'en parler aussi. Je crois qu'il y a eu des grèves en Cisjordanie notamment, non ? Oui, dans toute la Cisjordanie, dans beaucoup de villages, ils font des rassemblements de solidarité avec des prises de parole, à Gaza également, un petit peu partout. Hein, c'est un mouvement. Le peuple palestinien, en fait, chaque famille palestinienne a quasiment eu une personne de sa famille en prison, ils sont tous concernés. Donc c'est un mouvement très populaire en Palestine. Il y a d'autres pays qui, notamment dans les universités en fait, notamment à Londres, c'est ça ? Oui, à Londres, en Angleterre, à Turin. Parce que tout ça c'est relayé en fait en Palestine. Les prisonniers, quand ils arrivent à avoir des informations, ou même le peuple palestinien, sait qu'à travers le monde, il y a des gens qui les soutiennent. Et ça les, évidemment, ça leur fait chaud au cœur, on va dire. Hein. Aussi, il y a beaucoup de gens qui sont en prison en Israël. Comme on disait, parce qu'ils ont participé à des manifestations, mais pour les auditeurs et les auditrices, pour bien comprendre pourquoi il y a des manifestations, il faut dire que en fait, les gens subissent le vol de leur terre ou la colonisation au quotidien. Donc, c'est-à-dire que même pour aller travailler, il faut passer des checkpoints ou des choses comme ça. Et est-ce que vous pouvez parler un peu de cette situation ? Qu'est-ce que c'est la situation de vivre sous la colonisation, quoi ? Oui, on sait que constamment... L'État israélien construit des logements pour les colons et encercle les villages palestiniens. Ils détruisent leurs maisons, ils leur détruisent leurs récoltes, ils arrachent les oliviers, ils empêchent les enfants d'aller à l'école. Ils n'ont pas le droit de circuler sur les mêmes routes que les Israéliens. Ils ont leur chemin à eux. C'est un aparté de quotidien, mais dans ce qui est le plus infâme, en fait. On n'arrive même pas à imaginer jusqu'à où ils vont pour trouver des trucs complètement abjects pour leur faire subir, en fait. Même moi, à chaque fois, en fait, on est surpris. Récemment, et dans une prison, je ne sais plus laquelle c'est, il y a je ne sais pas combien de dizaines de colons qui se sont installés devant une prison, qui ont fait un barbecue géant pour que les Palestiniens sentent l'odeur des barbecues. C'est une torture un petit peu psychologique, oui. Et on n'arrive pas à comprendre comment les pays européens qui sont, pour la liberté des peuples. Voilà, qui nous rebattent les oreilles tout le temps avec les droits de l'homme. Et là, ils font comme ça, comme s'ils étaient aveugles et sourds. Et en plus, ils font des échanges commerciaux, des échanges culturels, avec une puissance occupante quand même. Merci beaucoup. Je pense qu'on a oublié pas mal de choses. Et, par contre, l'essentiel aujourd'hui, c'était vraiment pour soutenir les prisonniers palestiniens. Et on invite tous les gens à aller s'intéresser et à apprendre d'eux-mêmes, en fait. Ils n'ont pas écouté bêtement ce qu'on essaie de faire croire, ou même pas faire croire. Je veux dire, c'est toujours plus intéressant d'aller voir soi-même ce qui se passe et pas d'écouter. C'est comment vous appelez ? Moi, c'est Sabrina. Sabrina ? Fatma. Fatma. Bah, enchantée, merci beaucoup. Merci. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur. Eh bien bonjour, on est sur la place de la République. Aujourd'hui, on est samedi 6 mai. Et hormis le fait qu'il y a un petit truc genre nuit debout, ce qui explique un petit peu le bruit qu'il y a, il y avait aussi un rassemblement concernant la situation des prisonniers politiques palestiniens incarcérés en Israël. Donc, est-ce que tu peux nous dire... Alors d'abord, est-ce que je te laisse te présenter ? Ouais, bonjour, bonjour à tout le monde qui nous écoute. Moi, je m'appelle Alain, et je suis avocat, et je suis palestinien, je viens de Jérusalem. Et je suis le fils des prisonniers politiques Ayman Sharabati. Mon père, ça fait 20 ans qu'il est en prison et il est condamné à 100 ans de prison ferme. D'accord, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Parce qu'il a fait des manifestations à Jérusalem, il a mené des actions de résistance pour la liberté de la peuple palestinien. Alors là, en ce moment, au moment où nous sommes en train de faire cette interview, il y a une grève de la faim dure dans les prisons de la part des prisonniers politiques palestiniens. Est-ce que tu peux nous dire combien ils sont, pourquoi ils font aujourd'hui cette grève de la faim ? Madame, en prison d'Israël, il y a 7000 prisonniers politiques palestiniens. Il y a des 500 enfants qui sont moins de 14 ans. Il y a des 62 femmes, il y a des 14 parlementaires palestiniens qui sont en prison d'Israël. En Israël, depuis l'année 1967, il y a presque 1 million de Palestiniens qui sont passés par l'emprisonnement d'Israël. Ça veut dire que 35% de la population palestinienne qui sont passés par l'emprisonnement d'Israël. Si on va appliquer ça en France, ça veut dire 20 millions de Françaises qui vont passer par la prison de l'occupation. Alors mon père, c'est un des prisonniers politiques palestiniens. Comme Marwan El-Barghouti, c'est notre Mandela à nous, qui ça fait 15 ans qu'il est en prison. Il est condamné à 500 années de prison ferme. Alors madame, les questions de prisonniers politiques palestiniens, c'est un contrôle central. Parce que selon le droit international, les prisonniers politiques palestiniens sont des prisonniers de la liberté, les prisonniers du mouvement de libération, c'est selon la loi internationale, c'est selon la quatrième convention de Genève. Madame, monsieur, mon père, il est en prison, en grève de la faim, comme 1700 prisonniers politiques palestiniens. Aujourd'hui, ça fait 20 jours qui sont dans un grand grève de la faim qui est super dur. Il prend juste le lot avec les salles pour être vivant. Et ça fait 20 jours qu'ils sont depuis le 17 avril dans cette grève de la faim. Alors mon père, il est en grève de la faim, ça fait 20 jours, juste pour demander son droit de visite familiale, qui écrit dans la loi israélienne qu'un prisonnier politique palestinien, il peut voir sa famille 2 fois par mois. Mais moi, ça fait... Chaque année, j'ai vu mon père 1 fois par an. Israël, elle m'a autorisé faire un visite par la loi, un visite par an. Mon père, il est en grève de la faim, madame et messieurs, juste pour parler au téléphone. Ils demandent de mettre des cabinets téléphoniques, les prisonniers politiques ils pourront parler avec leur famille et leurs proches 5 minutes par jour. Mon père est dans un grève de la faim, madame et messieurs, pour regarder une chaîne de télé, parce qu'Israël est interdit de regarder des chaînes de télé arabes. Alors mon père, il est faim, ça fait 20 jours pour regarder la télé, c'est ça. Mon père, il demande d'autoriser l'entrée des livres, des journaux. Mon père, il demande dans cette grève de la faim pour permettre à lui continuer leur étude à l'université officiellement. Mon père est en grève de la faim juste pour passer l'examen de Pâques officiellement. Alors tout ce qu'il demande mon père, c'est appliquer la loi, appliquer la droit international, les 4e conventions. C'est des choses de l'humanité. C'est ça qu'il demande mon père. C'est ça pour lui. Ça fait 20 jours qu'il est faim pour appliquer la loi internationale. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'actuellement, les prisonniers politiques palestiniens n'ont pas le droit à la lecture, recevoir les journaux de leur choix, n'ont pas accès à la télévision, ne peuvent pas avoir de parloir avec leurs proches, ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas avoir d'activité. C'est ça que tu es en train de nous dire. Et à travers cette grève de la faim, ils ne demandent tout simplement que l'application des droits qui leur sont dus en tant que prisonniers. Parfait. Par rapport à ça, là, les prisonniers visiblement palestiniens sont en train de faire une grève dure, c'est-à-dire qui dure déjà depuis 20 jours, tu le disais, et qui risque de durer. Donc par rapport à ça, est-ce qu'il y a des manifestations? Comment s'organise la solidarité déjà dans un premier temps à l'intérieur du territoire palestinien et israélien? À l'intérieur de la territoire, il y a toujours des manifestations. Avant-hier, dans la manifestation, il y a 60 000 personnes qui sont sorties dans la rue. Il y a une solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens parce que c'est une question centrale dans la cause palestinienne. Alors, toute la Palestine, elle bouge, même en Israël, même des Israéliens pour la droite de l'homme et de la gauche israélienne, ils sont en train de bouger à Tel Aviv même. Alors, tout le monde entier, ils sont avec les prisonniers politiques. Madame, c'est une histoire, l'histoire de mon père. Et les prisonniers politiques palestiniens, c'est la même histoire que l'Afrique du Sud, c'est la même histoire qu'en Irlande, c'est la même histoire que Mandela. Mandela, quand il a fait les grèves de la faim pour l'humanité, elle regarde l'Afrique du Sud, qu'est-ce qui se passe avec le système d'apartheid. Et aujourd'hui, madame, il y a un nouveau système d'apartheid, c'est en Palestine, madame. Alors, il y a la pression qui peut s'exercer en solidarité directement sur le territoire palestinien-israélien, comme tu es en train de le dire. Et il y a peut-être aussi nécessité de créer de la solidarité internationale pour faire pression sur Israël, pour qu'enfin ils appliquent les droits dont chaque prisonnier a droit. Donc, comment ça se passe au niveau mondial, tu sais? Au niveau mondial, il y a des partout. Je sais qu'il y a des partout maintenant, c'est en Londres, au Rome, Bruxelles, Genève. Ça est en train de bouger partout dans le monde entier. J'espère que ça va grandir encore. Mais aujourd'hui, ça fait 20 jours de la grève de la faim. La situation, c'est super difficile. Même la situation de santé de la prisonnière politique, c'est super difficile. Marwan Barghouti, il est dangereux de mort maintenant. Alors j'espère qu'il va finir à bientôt. Mais moi, je demande à chaque personne qui nous entend aujourd'hui d'écrire sur leur Facebook, leurs réseaux sociaux, il y a un hashtag qui s'appelle Hunger Strike, Dignity Hunger Strike. C'est un hashtag qui, il y a des 25 millions de personnes qui écrivent chaque jour sur cet hashtag sur Facebook et Twitter. Alors moi, je demande à chaque personne qui en entend, entrez dans cet hashtag, écrit pour la prisonnière politique. C'est très bien qu'ils écrivent pour le monde entier, ils savent. Notre combat, c'est que l'humanité, ils savent qu'est-ce qui se passe en Palestine, qu'est-ce qui se passe avec les prisonniers politiques. Ok, et tu veux rajouter quelque chose? Je vous remercie, infiniment pour votre solidarité. Non, c'est normal. Bon courage à vous. Au fond, près du radiateur. Bonjour, je te laisse te présenter déjà. Alors, je suis Nohar Ashmaoui et je suis membre du comité international de libération de Marwan Barghouti et l'ensemble des prisonniers politiques palestiniens. Donc aujourd'hui, si les Palestiniens dans les prisons israéliennes ont décidé de se mettre en grève, c'est pas un hasard. Et c'est pas simplement pour une amélioration quotidienne de leurs conditions de vie. Ou pour avoir la possibilité de téléphoner à leur famille ou d'avoir le droit d'avoir des journaux, des visites, enfin ce qui est normal en fait. D'avoir tout simplement le droit de l'application des conventions de Genève qui protègent et qui gèrent les prisonniers politiques dans un état de guerre. C'est pas que pour ça. C'est aussi pour ça, bien sûr, mais c'est pas que pour ça. Depuis des années, Israël pratique une politique d'isolement des prisonniers politiques. D'abord, en les emprisonnant à l'intérieur même de l'État d'Israël, ce qui empêche tout contact avec les membres de leur famille et avec la société palestinienne. C'est au bon gré de l'occupant de nous dire « vous avez le droit et un tel a le droit de visiter et un tel n'a pas le droit de visiter ». Donc, le fait qu'il a emprisonné ces 7000 en ce moment, c'est 7000 prisonniers palestiniens. Mais depuis 67 jusqu'à maintenant, je pense que tout le monde vous l'a dit, il y a environ 1 million de Palestiniens qui ont passé dans les prisons israéliennes. Aujourd'hui, il reste encore 8 députés palestiniens dans les prisons. Et parmi les 8 députés, il y a Marwan Barghouti, qui a un visage emblématique de la société et de la résistance palestinienne. Donc aujourd'hui, si les prisonniers, ils ont dit « ça suffit ». Parce qu'Israël, à travers toute cette politique d'isolement et de pression, les empêcher de continuer leurs études, les torturer en les mettant dans les cellules d'isolement, à chaque fois qu'un prisonnier politique fait une déclaration à la presse, à travers son avocat, il est mis en isolement pendant des semaines, sans aucune visite, sans aucun contact avec la société extérieure. Donc, elle a essayé de les faire mourir à petit feu, de l'étouffer. Donc, du coup, ils n'avaient pas le choix. Et Israël a fait une démarche, et je pense que c'est peut-être ça qui était la mèche qui a allumé la volonté des prisonniers à réagir. C'est qu'au mois de juin dernier, l'année dernière, avec une délégation des maires des villes de réseau Marwan Barghouti, les villes françaises qui ont donné la citoyenneté d'honneur à Marwan Barghouti, nous avons décidé d'aller rendre visite à notre citoyen d'honneur en Israël. Nous avons demandé à l'ambassade d'Israël, nous avons demandé au ministre de l'Intérieur israélien, nous avons envoyé des courriers dans les prisons, l'administration centrale, à tout le monde. Et dans la première prison, la prison de Hadarim, où Marwan Barghouti était emprisonné. Et juste la veille de notre départ, le Quai d'Orsay nous a dit « vous n'y allez pas parce qu'ils vont vous refouler ». Donc nous avons décidé d'y aller et nous sommes allés. Et nous sommes allés et nous avons pris le bus et nous avons été devant la prison. Et entre-temps, ils l'avaient déplacé dans une autre prison. Et quand on est arrivé dans la deuxième prison, ils l'avaient déplacé déjà dans une troisième prison. Donc Marwan a eu l'occasion de sortir de son cachot, en fait, de la prison où il était isolé. Et il est allé dans 3 prisons où il s'est rendu compte de la situation. Et il a eu la discussion avec ses camarades prisonniers dans les autres prisons. Et là, il a vu qu'il y avait un ras-le-bol. Et ils ont décidé ensemble, ils ont demandé d'organiser un mouvement de résistance. Et ce mouvement de résistance a été pris, une décision commune de l'ensemble des prisonniers en disant « si on démarre aujourd'hui, on n'arrêtera pas, on va jusqu'au bout ». Et donc, c'était la seule décision et la seule raison pour laquelle ils ont décidé de se mettre en grève. Et aujourd'hui, la grève, comme vous l'avez vu hier par exemple avec Ahmed Saadat, le dirigeant de FPLP, parce que là, Israël essaye depuis le début de la grève d'isoler les grévistes, isoler la direction du mouvement et de négocier avec l'un contre l'autre et en donnant des avantages à l'un. Mais nous, on ne va pas demander la charité à l'occupation et au service pénitentiaire de l'occupant. C'est un état d'apartheid, c'est un état de contre le droit international, contre toutes les résolutions de la communauté internationale. Et ils veulent que nous, les Palestiniens, et surtout la résistance, qui se sait qu'il est condamné à mort s'il reste dans le silence dans les prisons israéliennes. Donc, ils n'avaient absolument pas le choix que de résister et de lever leur voix. Donc, l'ensemble des grévistes ont décidé de dire « nous serons en grève jusqu'au bout, jusqu'au jour où Marwan Barghouti et Marwan Barghouti tout seul, c'est lui qui nous appellera et nous dira « ça y est, on a gagné, stop ». Et donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, et hier Ahmed Saadat l'a dit, le seul qui est capable de donner le mot d'ordre, de dire on arrête, c'est Marwan Barghouti. Il y a une seule direction. Et donc c'est ça qui est en train de déstabiliser peut-être un peu Israël. J'ai dit un peu parce qu'on n'a pas fait assez de pression. Et là j'en reviens à ta deuxième question, qu'est-ce qu'on peut faire nous ici ? vital qu'on bouge. Nous, c'est vital qu'on fasse entendre la voix des prisonniers, parce que comme tu vois, le silence total, les avocats ne peuvent pas aller les voir. La Croix-Rouge, je me demande ce qu'ils foutent, la Croix-Rouge, parce que c'est leur rôle d'aller rendre visite aux prisonniers. Ils ne le font pas. Amnesty International aussi. Amnesty International, absolument. Alors, il y a Amnesty International qui a fait des déclarations. Il y a des déclarations. Il y a y compris, Israël a trouvé, je ne sais pas quel porte-parole de la Croix-Rouge qui a dit qu'absolument pas, les prisonniers palestiniens, ils sont super bien traités, ils sont vraiment au paradis. Je te promets que c'est un aveugle et un sourd. D'ailleurs, je n'ai pas vu son nom, mais ils l'ont fait. Donc aujourd'hui, je pense que la communauté internationale et le gouvernement français en premier, parce que quand même, n'oublions pas que nous sommes dans un pays de résistance, dans un pays qui a fait la résistance contre l'occupation et que jusqu'aujourd'hui, on fait la gloire à la résistance française. Donc dans un pays où la Révolution française, les droits de l'homme, toutes les valeurs universelles de la liberté, l'égalité, la fraternité, ils viennent d'ici. Et nous, en Palestine, nous avons besoin de la voix de la France et la voix de cette résistance, la voix de cette fraternité, de cette humanité. Et donc, effectivement, en faisant pas simplement des paroles, mais y compris faisant des sanctions contre un état d'apartheid. L'Afrique du Sud et Mandela n'a été libéré que parce qu'il y a eu une mobilisation internationale contre l'apartheid. Donc aujourd'hui, ce que je demande, c'est qu'effectivement, la France met son habit de résistant, met son habit de pays de droits de l'homme et que dit à Israël, ça suffit, les prisonniers politiques palestiniens, il faut les traiter comme des prisonniers politiques, d'abord en les ramenant dans les territoires palestiniens pour que les familles n'ont pas besoin d'attendre des mois et des mois et souvent ne même pas avoir l'autorisation d'aller rendre visite à leur famille. Donc il faut les ramener sur le territoire de l'État de Palestine et les traiter comme des prisonniers de guerre. Et après, et donc bien sûr, que les libérer. Parce que si tout le monde nous dit qu'il faut la paix avec l'ennemi, et effectivement on peut faire la paix qu'avec son ennemi, parce qu'avec ses amis ça va bien. Donc si on veut faire la paix avec Israël, le seul qui est capable aujourd'hui d'unifier, d'ailleurs il l'a prouvé, le seul qui est capable d'unifier la rue palestinienne, il l'a fait déjà depuis sa prison en 2007, en faisant ce qu'on appelle le document des prisonniers, où il y a l'ensemble des factions palestiniennes qui sont unifiées pour faire un appel à l'unité nationale, parce que c'est ça qui est en train de nous tuer en Palestine, c'est qu'Israël a réussi, par tous les moyens, les pressions et tout ce qu'on veut, à diviser la société palestinienne. كلنا عندن دبابات واحنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال يا فلسطين الاحرار يا غزة الابطال الصهيوني جاي لنهار ترا ترا ترا. Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Courage. Je vais... en Cisjordanie aussi, il y a eu des mouvements de grève en soutien au mouvement des prisonniers actuels. Est-ce que tu peux nous en parler aussi ? Alors oui, effectivement. De toute façon, quand je dis qu'avant de déclarer la grève, les prisonniers se sont réunis, ils ont planifié tout leur mouvement de grève. Parmi les planifications de mouvement de grève, c'est qu'il y avait des rassemblements, des tentes de rassemblement dans toutes les villes palestiniennes et avec des mouvements de grève de la faim dans ces tentes-là. Il y a des familles, les familles des prisonniers, ils se réunissent. Beaucoup parmi eux, ils font la grève de la faim. Ça, c'est en Palestine. Et il y a eu une grande manifestation de solidarité à Ramallah le 3 mai. C'était un appel du comité de libération des prisonniers sur place, mais adressé à l'ensemble de la communauté internationale. Donc du coup, en Palestine, il y a eu, et il y a tous les jours, il y a tous les jours d'abord des gens qui rejoignent ces tentes de résistance et qui se mettent en grève. En Jordanie, il y a eu un grand mouvement de grève. Au Maroc, hier, il y avait un grand rassemblement, une grande manifestation de solidarité avec les prisonniers. Partout dans le monde, le 3 mai, c'était un appel international pour unifier. Mais tous les jours, il y a des grèves de la faim. Tous les jours, il y a des manifestations, des affrontements avec l'armée. Hier, à Hébron, il y a eu des blessés, il y a des manifestations. Et je pense qu'Israël, aujourd'hui, elle est en train de vraiment d'allumer un feu. Elle ne sait pas... De toute façon, on n'a rien à perdre. Tu sais, comme a dit quelqu'un, Marx en l'occurrence, elle avait dit, les travailleurs n'ont que leur chaîne à perdre. Nous, les Palestiniens, on n'a rien à perdre. On n'a même pas de chaîne parce qu'ils nous enchaînent sans des chaînes véritables. On est enchaînés complètement dans ce pays et avec le silence de la communauté internationale. Donc aujourd'hui, de toute façon, ou on résiste, ou on bouge, ou on se fait entendre et on gagne, sinon la mort. De toute façon, il n'y a pas. Comme tu disais aussi, que dans chaque famille, il y a un prisonnier. Donc les gens sont concernés au pro. Il y a eu un prisonnier ou il y a un prisonnier au minimum, où il y aura un prisonnier. Et donc les gens sont vraiment concernés au premier plan par cette grève. Et c'est Naftali Bennett, c'est comme ça qu'il s'appelle, donc qui est le ministre de l'éducation d'extrême droite d'Israël, qui a dit on va faire une stratégie comme à la Thatcher, comme ce que Thatcher a fait avec les grévistes de la faim irlandais avec Bobby Sand, on va les laisser mourir. Et il faut se rendre compte que s'ils font ça, il y a beaucoup de gens qui disent on pourrait aller vers une troisième intifada ou quelque chose comme ça, comme tu disais, ça mettrait le feu aux poudres parce que les gens sont concernés directement, c'est leurs familles qui sont aujourd'hui en grève de la faim, quoi. Absolument. Et puis, de toute façon, et c'est vrai que ça, c'est tout à fait d'accord. Et la preuve, Felicia Langer, qui était l'avocate des prisonniers politiques palestiniens en Israël, c'est une Israélienne, une avocate, et qui a fini par quitter Israël parce qu'elle a été menacée de mort, elle et toute sa famille, et elle s'est réfugiée en Allemagne. C'est l'ironie de l'histoire, quitter Israël pour se réfugier en Allemagne pour sa sécurité quand on est juif et quand on a sa famille qui a été massacrée par les nazis en Allemagne. Et Felicia Langer, j'étais en train de chercher le message qu'elle nous a envoyé et qu'on a traduit. Felicia Langer qui lance un appel à la communauté internationale pour intervenir pour sauver la vie des prisonniers politiques palestiniens. Et donc sa déclaration, elle date de 2 mai. Il dit « Depuis 16 jours, plus de 1500 prisonniers vivent sur le sel et l'eau. Ces prisonniers réclament des droits compatibles avec les exigences de droit international et les conventions de Genève. Leur exigence, faire cesser la torture et les mauvais traitements des prisonniers, mettre fin à la détention administrative, garantir le contact avec les avocats, des visites périodiques pour leurs familles et assurer le contact téléphonique, en plus leur droit à l'éducation et aux soins de santé. Je lance mon appel au gouvernement allemand et à tous les gouvernements européens, ainsi qu'au Parlement européen, leur demandant de faire pression sur le gouvernement israélien jusqu'à ce qu'il conforme au droit international et aux conventions de Genève. Je lance un appel à ne pas garder le silence sur cette répression en cours, sinon vous devenez complice de tels crimes. Je te remercie beaucoup. Bon courage. De retour dans Au fond près du radiateur 106.3 FM. Oui, et on tient aussi à remercier Nadia pour sa contribution au reportage sur la situation des prisonniers palestiniens. Et on voudrait aussi également faire passer l'annonce. Vendredi, donc ce vendredi, à 16h30 jusqu'à 19h30, au 247 boulevard Raspail, devant le siège de la Croix-Rouge, il y aura un nouveau rassemblement pour la grève de la faim des prisonniers palestiniens. Voilà. Ouais, je crois que c'est important. On va essayer de suivre ça. Et c'est vrai que on n'entendait pas beaucoup parler. Et je trouve que bon, voilà, le reportage est assez bien et nous éclaire bien sur les enjeux de cette grève, de la faim et de l'importance de diffuser les infos, etc. Alors maintenant, moi, je voulais, puisqu'on a encore quelques minutes, faire un point mais rapide sur ce qui se passe en Tchétchénie. On parle de silence par rapport aux Palestiniens et d'un combat politique. Moi, j'ai trouvé ça important quand j'ai réalisé que dernièrement, depuis le 1er avril, il y a un journal indépendant qui s'appelle Novoïa Gazeta, donc c'est un journal russe, qui a évoqué le fait que toute une série d'homosexuels étaient persécutés, assassinés. Et donc, il faut savoir que c'est une petite république qui a été mise bien sous le joug de la Russie après la fin de l'Union soviétique. Et ils ont mis un mec qui s'appelle Ramzan Kadyrov. Voilà. Et donc, il y a eu toute une guerre, un enjeu central pour écraser un peu les résistances, etc. Aujourd'hui, ce type, il semblerait... commencer à ouvrir des camps ciblant pour le coup les homosexuels. Voilà, je voulais juste montrer quelques petits points parce que c'est intéressant, les petits détails que j'ai eus, mais vite fait, Alors, faut savoir qu'on ne connaît pas grand-chose de ce qui est en train d'arriver. Mais clairement, beaucoup de choses sont très inquiétantes. Voilà, un reportage vite fait sur les mots qui sont dits. Ils m'ont battu, donc on bat et on assassine les gens. Donc c'est un reportage sur une personne et il a été tabassé. Il se lève et désigne un tuyau de radiateur. Ils m'ont battu avec ça. Donc Muslim, c'est le prénom qu'il s'est choisi, se rassit de plus en plus nerveux. Ils m'ont d'abord cassé les côtes, puis ils ont placé des pinces métalliques sur mes oreilles pour m'électrocuter. Ils continuent, ils m'ont juste accordé le droit que je fasse la prière. Et voilà. Donc, d'un seul coup, depuis le 1er avril, le gouvernement fantoche lié à M. Poutine fait non seulement à cibler cette communauté et amène un camp où on tue et on assassine clairement les homosexuels. Ça fait depuis bien longtemps qu'on n'a pas assisté à un truc délirant aussi nazi. Voilà, ça donne une indication de ce que c'est la Russie de Poutine et de ce que c'est que l'Europe. La situation de manière des minorités sexuelles, notamment en Russie, c'est qu'on ne peut pas manifester à la Gay Pride, qu'on est attaqué par des nazis, etc. Ce n'est pas vrai que c'est un problème juste de l'islam. Aujourd'hui, la Russie soutient totalement ce délire-là. Voilà, je trouve que ça éclaire de ce qui se passe dans plein d'autres pays où les minorités sexuelles ou les femmes sont au cœur d'un enjeu de propagande d'État et de répression. Donc c'est un indicateur très précis, en tout cas pour moi, et sur ce que c'est que ce pays et à quoi ils servent les minorités. Voilà. Et je trouve aussi très important aussi de rappeler que manifester à Paris et appeler au meurtre des homosexuels, ça a des conséquences. Je trouve que c'est important de le dire. On a les parlementaires français, lors des débats qui ont lieu régulièrement, soit sur le pacte, soit sur le mariage, libérer des paroles où on ne s'étonne pas que les gens, effectivement, après, puissent tabasser des gens, puissent interdire ces gens-là. Dans les faits, le débat, et moi je reviens vraiment sur cette réalité européenne, franco-française, parce que c'est important. Dans les faits, ces débats ont permis de justifier des mobilisations où le ciblage des minorités était le cœur des débats. Et l'importance, en tout cas, qu'à partir du moment donné, on libère des paroles, on autorise des actes. Et aussi, on dit une image de qu'est-ce que c'est leur société, c'est-à-dire la famille, le travail, et ce qu'il y a derrière, c'est l'Église catholique et tous les délires de ce genre. Et je trouve qu'on a réaffirmé, surtout dans ces débats, les valeurs extrêmement réactionnaires. Et là, pour le coup, en tout cas à Paris, c'est bien l'Église catholique qui était le cœur de fer de lance de la lutte des minorités, notamment des homosexuels, des gays, des trans, etc. etc. Je trouve que l'importance, en tout cas ici à Paris, c'est aussi de pouvoir dénoncer tous ces crimes, ces discours, mais aussi de construire d'autres discours. C'est-à-dire la fierté, c'est-à-dire la possibilité de dire « je suis homosexuel, je suis trans ». Et je suis aussi d'une minorité raciale, ethnique, et de le valoriser. Parce que c'est ça l'enjeu aussi. C'est pas d'être dans la construction victimaire ou, j'allais dire, de se cacher derrière je ne sais pas quel Macron, etc. Mais c'est d'essayer d'avoir un contre-discours. Et le premier contre-discours, c'est la visibilité. C'est toujours aussi important, et aujourd'hui, c'est même l'enjeu aujourd'hui des minorités dans la minorité raciale, arabe, gay, lesbienne, etc. C'est de prendre la parole aujourd'hui. C'est un enjeu central. Si on veut faire que ça bouge dans ces pays, qu'on arrête avec ces répressions-là, eh bien, il faut prendre la parole et prendre la parole, c'est un enjeu central puisque c'est comme ça qu'on construit des contre-discours et c'est comme ça qu'on crée des solidarités et c'est pas en se cachant malheureusement. Et je trouve qu'on a la possibilité ici en France et je trouve que c'est aussi ce discours-là qu'il va falloir tenir. Et je sais qu'il y a toute une série d'associations qui aujourd'hui se mobilisent. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a 2 semaines ou 3 semaines, on avait un collectif qui était venu. L'Ox. Voilà, et je trouve que c'est ça qu'il faut poursuivre comme travail, c'est cette visibilité-là. Et je trouve qu'on est au début en France de ça. On est au Moyen Âge par rapport à certains trucs, il faut quand même le dire, malgré qu'il y a le soi-disant le mariage, etc. On est encore au Moyen Âge, dans tous les domaines, que ce soit la musique, que ce soit dans l'art, que ce soit aussi à l'université. Effectivement, quand on aborde les questions de genre, on aborde d'abord un seul axe et on refuse de poser les questions de logement, de questions raciales. Et je crois que tu vas aborder juste une annonce et puis on va se terminer, Fatima. Ouais. Voilà. Oui, on essaiera la semaine prochaine d'avoir à nos côtés sur place ou sinon de toute façon au téléphone un des membres de l'équipe du festival Massimadi, le festival des films LGBT d'Afrique et de ses diasporas. Voilà, comme ça on pourra revenir plus en détail sur cette question des minorités raciales, de genre, sexuelles. Voilà. Écoutez, c'est l'heure de terminer et d'achever notre émission, puisque sinon on va se faire massacrer. Et surtout, restez à l'écoute sur Fréquence Paris Pluriel. Et on salue Lucien, on salue Raphaël, on salue toutes les émissions de Fréquence Paris Pluriel, parce que c'est toujours, je vous rappelle, un combat pour rester et pour donner un contre-discours. Et puis, encore une fois, à mardi prochain sur Fréquence Paris Pluriel. Et on vous souhaite un bon combat et ne croyez pas ce qu'on vous dit. Au revoir. Et restez debout. Revolutionaries, you know? You ain't as smart as a revolution.